Bon, on va à la plage. Eh oh, un peu moins, hein. T'as pris au moins? Ben oui, j'ai pris la serviette, le maillot, le parasol, le seau, la pelle, le râteau, ta casquette, le bob, les rabanes. Le crawl, ça creuse. Y'a quoi dans la glacière? Le saucisson. Le pâté. Les bières. La baguette. Les rillettes. Les patibelles. Les gâteaux. Oh merde, on a oublié la gueule. À la glace, beignet, chouchou, à la fraise, à la vanille, au chocolat. Beignet, beignet, à la glace. Weekend. On est maniacs on the beach. Weekend. On est maniacs on the beach. Check check les gens qui bronzent, qui bronzent, qui bronzent. Laisse les tétons qui tardent, les vieux pêcheurs avec les couilles qui pendent. Le grand poilu, le vendeur de beignets, les seins aux genoux de la vieille fripée. Super le dauphin, la petite sirène, les allemands tout rouges qui ont oublié de mettre la crème. Les teenagers, les plongeurs, les ménageurs, les poseurs, les joggers, les volleyeurs, les surfeurs, les maillots à fleurs. Brigitte Bardot, le commandant Cousteau, le gosse qui chie dans l'eau. Oh, les caca qui flottent. Tout ça tape aujourd'hui. En bas le matelas, c'est drapeau jaune. Et t'as vu le bâton là-bas? Mais on va te repisser ce soir. Il y a écrit quoi sur la banderole? Il y a du courant. C'est la marée. Et c'est la marée. Oh, j'ai du sable dans le maillot. Tu me mets de la crème. Bon allez, hein, le premier à la digue. Il y a vachement plus de monde qu'en juillet. Hein. Putain d'haussien, il n'y a pas de place. Et elle est où la serviette? Attention quand tu secoues la serviette, tu mets du sable sur les gens. Tonton, tu m'achètes un beignet? Alors, elle est bonne? Et quand on y est, ça va. Et il reste de la badoie? Et tu peux rester combien de temps sous l'eau? Et il y a trop des méduses aujourd'hui. Hein. Attendez, j'ai plus pied. Maman, pourquoi il est tout poilu le monsieur? On ne met pas de sable dans la voiture. Et allez, allez, visez pour les loloches sur la 4. Vise, à 4 heures, les loloches. Et elle était pas autoroupicienne celle-là hier soir? Je crois bien que c'était la bonasse du premier rang, quoi. Eh mais, ils sont où les gens? Ça ferme à quelle heure la plage? Je sais pas, mais il faut se manier. On va rater le karaoké.